des sens, de l'inattendu. Tous ces sens tendent au sous-entendu. Au coin de la rue où elle apparaît, d'un pas tranquille dans ses pensées perdues, elle cherche dans la foule un visage, mais qui disparaît, se défile au fil d'imprévus. Trans les sens de l'inattendu, tous ces sens tendent au sous-entendu. Agile, elle se faufile dans le flot anonyme, laissant paraître l'impatience de la bande à se soumettre au désir de la silhouette masculine qui prend plaisir à s'égarer, mais sans jamais s'éloigner, et jouit par avance de ce corps abandonné à la langueur de l'attente enfin assouvie. Des sens de l'inattendu, tous ces sens tendent au sous-entendu. Sous son pas facile, sa jupe fendue dévoile futile à mon œil indiscret, dévoile le fil de son secret. Sa démarche agile pour se donner à cet inconnu, je soupçonne sous les dessus, des dessous de soi fragile, de se plaisant à caresser avant de les déchirer. Je devine les étoffes, effleurer l'intime, alimenter le feu sous sa peau si sensible en cet instant de fragile équilibre qu'un seul regard de l'amant suffirait à faire chavirer. Trans des sens de l'inattendu, tous ces sens tendent au sous-entendu. Trans des sens de l'inattendu, tous ces sens tendent au sous-entendu. Trans des sens de l'inattendu, tous ces sens tendent au sous-entendu. Moi, sensible à sa sensualité, je m'imagine objet de son désir, n'être le jouet que de son seul plaisir. Et jaloux des jeux à venir, j'en maudis l'abonné.